Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Caprice de lecture. Pourquoi spéciale ? Parce qu'aujourd'hui, j'accueille une auteure que j'apprécie particulièrement, Isabelle Flatten. Bonjour Isabelle. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir, c'est la deuxième fois que je te reçois. La première fois, tu avais ouvert le bal des invités en studio. Et là, tu continues avec nous, donc je suis ravie. Je te reçois aujourd'hui pour ton dernier né. Qui s'appelle Un honnête homme aux éditions Anne Carrière. Donc on va discuter comme d'habitude autour de 5 questions, enfin plutôt 4 questions, autour de ce livre et puis un petit peu du pourquoi, du comment. Est-ce que tu es prête ? Absolument. Alors on y va. Première question, comment t'es venue l'idée de parler de Charles, on va dire un peu la face cachée de la lune de Gustave Flaubert ? Comment on en vient là ? Parce qu'on a tous en tête Emma Bovary. On a tous en tête, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure, des représentations filmées, le roman qu'on a tous lu au moins une fois. Comment on en vient à parler de Charles ? Eh bien, parce que parfois, comme tu le dis très justement, on l'a toutes lues dans notre à l'école ou dans notre prime jeunesse, ou si on l'a pas lu, on en a entendu parler, ou on a vu une des nombreuses adaptation cinématographique. Et il se trouve que régulièrement, je relis ou je découvre, hein, parce que ça vaut un classique, comme si j'avais lu tous les classiques, c'est absolument pas le cas. Et il y a quelque temps, donc, j'ai relu Emma Bovary, le roman. Et c'est quelque chose que j'aime énormément faire, parce que entre une première lecture et une seconde lecture, des années, plus honnêtement, des décennies plus tard, eh bien, c'est pas du tout la même lecture. Évidemment, je me suis rendu compte de tout ce qui m'avait échappé à l'époque. Ouais. Et puis, de toute façon, même quand on relit un livre, on le lit jamais de la même manière que la première fois. Et à cette seconde lecture, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que le roman s'ouvre sur Charles Bovary, se termine sur lui, mais qu'il est question de sa femme. Tout le temps. Oui, on va dire, voilà. Et le portrait qu'en dresse Flaubert est somme toute assez sommaire. Il en fait un homme effacé, passif, voire lâche. Il dit, il y a cette phrase célèbre de Gustave Flaubert, « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue ». Voilà, ça c'est le bonhomme. Voilà, là on a tout dit. Tout est dit sur Charles. Et en relisant ce livre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il doit bien exister quelque part dans le sens d'une manière ou d'une autre, cet homme-là. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il est amoureux ? Est-ce que ça suffit d'être amoureux ? Enfin, c'est ça qui le rend aveugle et un peu nigaud ? Enfin, est-ce qu'il est sous emprise ? Enfin, qui est cet homme ? Oui. Et voilà. Ok, donc c'était une belle idée originale. Alors, Charles apparaît comme un homme malheureux, en amour pas épanoui, pas du tout. Il est sous le joug d'une mère plutôt très dominante dans Un honnête homme. Sa rencontre avec Emma lui permet d'espérer le grand amour. Mais est-ce que Charles, au final, ne serait-il pas un éternel ado amoureux ou cherche à éprouver ce sentiment pur qu'est l'amour ? Il est toujours en quête. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, si je veux me permettre. C'est qu'au départ, effectivement, il y a l'emprise de la mère. Et il y a une histoire avec cette mère qui est dans le roman. Oui. Et que Flaubert aussi... Enfin, il y a un parallèle aussi intéressant avec la relation de Flaubert à sa propre mère. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a quand même vécu avec sa mère toute sa vie. Oui. Enfin, toute la vie de... et Charles éprouve une forme de une culpabilité vis-à-vis de sa mère. Oui. Je ne dirai pas pourquoi, parce qu'il s'agit pas de. Donc, il est un peu mal parti dans la vie déjà pour ça. Après, lors de sa rencontre avec Emma, l'idée qu'il a, c'est d'être enfin maître de son existence, parce que jusqu'alors, il a l'impression qu'il n'a pas choisi sa vie. Est-il un éternel ado amoureux ? Je dirais pas ça, non. Okay. Je dirais qu'il aspire à être heureux, tout simplement, tous les cas de vivre dans un quotidien apaisé auprès d'une femme qu'il aime et qu'il aime. Oui, mais, qui a un sentiment réciproque. Ouais. Ouais. Mais en fait, ils sont tous deux mal mariés. Ça, c'est très important, oui, de le dire. Je ne fustige pas Emma en aucun cas, oui, oui, mais tout le monde, voilà. Ok. On va faire une première coupure musicale avec un morceau choisi par Isabelle de Vanille. Alors Isabelle, peux-tu nous expliquer ce choix ? Tout simplement, vraiment, parce que la chanson s'intitule Emma. C'était trop une coïncidence assez incroyable. C'était la première fois que je l'écoutais, j'ai découvert ça, je me suis dit « Ah mais parfait, un clin d'œil à Flaubert, voilà. » Alors on se retrouve juste après. De prier, elle préfère jouer sans jamais se coucher. Emma n'est pas comme toi, de ce que tu penses, elle s'en balance. Emma s'imagine comme ça, ni ici, ni là, ni là-bas. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie d'Isabelle Flatten avec un honnête homme qui n'est autre que Charles Bovary. Alors Isabelle, tout au long du roman, on a l'impression que Charles est maudit. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais en fait il cherche sa place partout. Il cherche sa place dans sa profession, il cherche sa place dans sa maison, il cherche sa place eh bien, aux côtés de ses voisins, sa mère. Pourquoi avoir fait un Charles comme ça, toujours un peu hésitant, comme s'il marchait toujours sur des œufs ? Est-ce que c'est une petite, j'allais dire une petite nostalgie à Flaubert ? Ou est-ce que c'est vraiment pour le décrire, voilà, tellement effacé par rapport à Emma et dans notre imaginaire collectif, en fait ? Alors, il est effacé dans le roman de Flaubert, oui. J'espère qu'il ne l'est pas dans le mien. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais rajouter en, oui, en préambule, j'ai oublié. Mon roman peut se lire de manière indépendante de celui de Flaubert. Il n'est pas nécessaire, oui, d'avoir lu Emma Bovary pour comprendre, voilà, ça c'était peut-être important de le un dire. Détail, oui, qui méritait d'être dit. Alors, Charles, ça c'est un homme... Il n'est pas maudit, loin de là, mais il n'a rien choisi au départ. Ouais. Sa mère a choisi pour lui. et puis même sa profession. Et puis peu à peu, professionnellement, il fait son trou et oui. Il aime son métier. Et c'est quelqu'un qui, il est en quête de lui-même, en fait. Mais là où il n'a, je dirais pas maudit, mais là où il n'a pas de chance, c'est qu'il n'aspire pas aux mêmes choses que sa femme. Oui. Il n'aspire pas à fréquenter les mêmes personnes. C'est vrai que... Et puis, c'est pas un homme de son époque. Il ne correspond pas aux critères de virilité de son époque. Non. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et sensible à l'autre, hein. Sensible en règle générale. Oui. Et ça, ça en fait de fait. Ça l'exclut oui. D'emblée, si on le remet dans l'époque. Voilà, parce que, et ça engendre de la part des autres une forme de mépris, parce que c'est pas un combatif, c'est pas une grande gueule comme Homais, le pharmacien, c'est pas, voilà, c'est un homme discret. Ouais, alors moi, j'aurais presque dit soumis, je repense à une scène quand Emma réclame de changer le mobilier, les rideaux, et qu'il dit non à rien. Parce qu'on a l'impression qu'il veut tellement être aimé et qu'elle dise « mais c'est lui, c'est grâce à lui qu'il est, il est presque à genoux. Enfin, il pourrait tout lâcher pour Emma jusqu'au moment où. » J'en dis pas plus. Voilà. Alors ça, c'est ta lecture, ça oui, va. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle. Mais bien sûr, c'est ça qui c'est toute la magie, entre guillemets, d'un livre. Et c'est ce qui fait que le roman de Flaubert est inépuisable, parce qu'il il est source d'infinies interprétations. Et donc, non, je ne dirais pas ça. Moi, il est dans une toute simple volonté de faire plaisir. Et c'est tout. Oui, au départ, tout simplement. Oui. Mais bien sûr, juste lui faire plaisir. Il ne se sent pas concerné par les frivolités. Ça lui est égal, la manière dont son intérieur est décoré. Mais enfin, si ça fait plaisir à sa femme... Tant que sa femme est heureuse. Voilà, il n'y a pas de... Ok. Oui. Alors, ma quatrième question va porter, parce que tu fais référence donc, dans ton roman, à la scène mythique du bal. Il y a un clin d'œil à la scène du bal, où on revoit d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, parce que moi je revoyais un peu le film avec Isabelle Huppert quand ils arrivent comme ça dans le bal. Charles y apparaît, il est un peu, on a l'impression qu'il aimerait bien s'amuser, voilà, mais il est un peu serré dans ses chaussures, tout ça. Emma lui dit, mais enfin tu n'y penses pas, tu es un médecin, tu es respectable. Il est pas à l'aise au milieu de tout ça. Est-ce que cette scène, la façon dont tu l'écris, est-ce que tu t'es inspiré du film que moi j'ai en tête, ou est-ce que plutôt tu t'es inspiré du roman Non, de Madame Bovary. Alors il y a quelques scènes emblématiques dans le roman de Flaubert, que sont l'introduction du roman avec l'histoire de Charles moqué par ses camarades à l'école. Il y a l'opération du pied body polyphage. Il y a des scènes totalement emblématique que tout le monde connaît, et il y a le bal. Ces scènes-là, j'ai tenté de les résumer, de les synthétiser, parce que bien évidemment, je n'allais pas m'en emparer pour la lecture. Mais la scène du bal, elle est vue du point de vue de Charles. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse, en ce sens que ce n'est pas parce qu'il est médecin qu'il est un homme respectable, c'est parce qu'il lui fait honte, parce qu'il serait gauche sur la piste de danse, qu'elle ne veut pas qu'il danse. Mais surtout, ce n'est pas son monde, pas du tout. À lui. Il le dit. C'est et le il bal le dit d'ailleurs. Oui. Et il dit, s'il est honnête avec lui-même, cela l'arrange, le cotillon est un exercice qu'il abhorre. Oui, et puis c'est la ronde des vanités. Oui. Et c'est tout ce qu'il insupporte. Lui, c'est quelqu'un qui se sent bien dans une auberge avec copains, un bon dîner. Et c'est là, voilà. En fait, c'est une des divergences fondamentales entre sa femme et lui. Oui. Il n'aspire pas à entrer dans le même monde. Oui. Voilà. On va faire une deuxième coupure musicale que tu as encore choisie, Isabelle, avec Maxime Le Forestier. Oui. Tu peux nous en dire deux petits mots, peu plus si tu veux. Alors déjà, Maxime, c'est quand même... c'est un petit peu... Je ne sais pas si c'est par nostalgie, mais en tous les cas, ça a bercé... ses chansons ont bercé mon adolescence et celle de bien d'autres. Et il se trouve que celle-ci s'intitule « L'éducation sentimentale », qui est donc le titre d'un roman de Flaubert. Oui. Évidemment. C'est évidemment, et puis je crois que ça fait partie des chansons qu'on a tous en soi, oui. Tellement elles ont imprégné nos jeunes années. Voilà. Alors on se retrouve juste après l'éducation sentimentale de Maxime Le Forestier. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. C'est au crépuscule, quand la libellule s'endort au marais, qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. Ne dis rien, ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin, j'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. À la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission Caprice de lecture avec Isabelle Flatten pour son dernier roman Un honnête homme aux éditions Anne Carrière. Alors Isabelle, on a parlé donc de Charles Bovary, on va parler un petit peu de toi. Quels sont tes projets pour 2023? Que ce soit des projets de salon, d'écriture, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oula, mais... Donc, ce livre-là n'est pas sorti depuis une semaine. Je suis encore en train de vivre pleinement avec mon Charles. Alors, ben je sais. Alors, évidemment, j'ai déjà un texte en cours, oui. Parce que ça, si il y a une formule que j'aime bien dire, c'est que quand j'ai pas un livre sur le feu, je m'éteins. Mais ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est vrai. Voilà. Et donc, j'y avance tout doucement parce que là maintenant, l'important, c'est j'aimerais que Charles prenne un peu la lumière. Voilà. Et il est déjà en train de la prendre. On verra. Voilà. On verra. Donc oui, il y a quelques projets de salon, mais en fait, il est sorti en mars et c'est pas un livre de la rentrée littéraire. Oui. Donc tous les salons, la majorité des salons ont déjà eu lieu, etc. Donc maintenant, j'espère qu'il y aura quelques libraires qui vont m'inviter. Enfin, ça a déjà été le cas, okay. À Metz. Et puis voilà, ça va. On verra. On verra. Je peux rien dire pour l'instant. C'est encore, okay. Un peu tôt. Mais il a déjà eu un peu de presse et je sais qu'il va en avoir encore. Oui, il en aura encore. Donc je suis, pour l'instant, je suis heureuse. Et puis on verra si l'avenir me contredit ou pas, me donne, voilà, Eh ben, il faut profiter de ce temps. Voilà. Merci. Merci Isabelle d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à cette invitation. Je vous retrouve très Merci. Vite dans Caprice de lecture. Je rappelle le titre de ton dernier roman, Un honnête homme, aux éditions Anne Carrière. Vous retrouverez la chronique, évidemment, sur capricedelecture.fr. Merci Isabelle, à bientôt. Merci beaucoup Sarah. À bientôt, au revoir.